là. On a terminé de voir les mérites concernant l'accomplissement de la prière du Fajr, en groupe à la mosquée. Ah, ya Aba Oussam, tazkur lana ba'da manaqib hadihi as-salah. Hudur al-malaika. Hudur al-malaika, ahsant. Istiqad fi ahsan al-ahwal. Yani istiqad nashit al-nafs. Ghayr kaslan. Parmi les bienfaits, le fait que les anges assistent à cette prière et aussi que la personne se réveille de la meilleure des humeurs. نظر الى وجه الله رؤيه الله ان هذه الصلوات او هذه الصلاه تسبب رؤيه الله في عرض المحشر وكذلك يوم القيامه يعني في الجنه c'est une cause de la vision d'Allah عز وجل يوم القيامه ainsi que في الجنه يكتب لمن صلاها جماعه في المسجد صلاه الليل Et Naam, celui qui prie la prière du Fajr, on lui compte comme avoir prié, comme s'il avait prié la moitié de la nuit. S'il a prié l'Isha, ça fera toute la nuit. Naam. Eh Naam, anna Allah subhanahu wa ta'ala, anna alladhi yuhafidh ala salat al-Fajr, أصبح في ضمان الله. Celui qui protège ou qui veille à accomplir la salat du Fajr, il se trouve dans la protection d'Allah Azza wa Jal. أجرٌ عظيم. أجرٌ عظيم. أحسنت. وأنها سبب لدخول الجنة. سبب لدخول الجنة. وأنها كذلك سبب للبركة بورك لأمتي في بكورها نعم donc après avoir évoqué les mérites de cette prière là le cheikh il évoque la menace pour celui qui la délaisse قال الوعيد على تركها أخرج البخاري عليه رحمة الله من حديث سمرة في حديث الرؤيا الطويل وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه آتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما donc le prophète عليه الصلاة والسلام Il nous informe que deux personnes sont venues le trouver. Et ces deux personnes sont des anges. Ils sont venus le trouver lorsqu'il se trouvait endormi près de la Kaaba. Et ils lui ont dit, ou ils lui ont ordonné de partir avec eux. Donc, le prophète s'est exécuté et est parti avec eux. وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُطَّجِعٍ وَإِذَا آخَرْ قائم عليه بالصخرة. Et ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام il dit que après avoir suivi ces deux personnes, ces deux anges, ils sont arrivés auprès d'un homme qui était allongé. Un homme allongé et un autre debout à côté de cet homme-là. Et celui qui est debout à côté de cet homme-là, il porte une énorme pierre. وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه Et voilà que celui qui porte la pierre accomplit un geste avec la pierre puis la jette littéralement sur la tête de l'homme allongé. jusqu'à ce que cela détruisit le visage et la tête de cette personne. فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا. Et ensuite la pierre, elle roula sur le sol. فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذَ. Et voilà que l'homme qui a jeté la pierre, il suit la pierre afin de la récupérer. فلا يرجع إليه حتى يصيح رأسه. يصيح رأسه. Et il n'a même pas le temps de revenir vers l'homme qui a eu la tête détruite sans que la tête de cet homme-là se soit reconstruite directement. فلا يرجع إليه حتى يصيح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. Et donc lorsqu'il revient devant cet homme-là et que sa tête s'est reconstruite, alors l'homme qui tient la pierre recommence la même action. Il recommence la même action. Le prophète, en voyant tout ça, il dit قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا. Le prophète, il dit سُبْحَانَ اللَّهِ, qui sont ces deux personnes? ثُمَّ قَالَ لَهُ. Et ensuite, les deux anges qui étaient avec lui, ils ont répondu plus tard, parce que c'est un long hadith, ils ont répondu plus tard en disant أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. En ce qui concerne l'homme que tu as vu, le premier homme que tu as vu, c'est un homme qui apprenait le Coran mais qui ne le mettait pas en pratique. Il apprenait le Coran, mais il ne le mettait pas en pratique. Et il dormait au lieu d'accomplir la prière obligatoire. Il avait l'habitude de dormir lors de l'accomplissement de la prière obligatoire. Naam. فقال الشيخ وهذا وعيد شديد نسأل الله السلامة منه وهو في حقه من يتعمد تضييع المكتوبات أو تضييع المكتوبة بالنوم حتى خروج وقته أو خروج وقتها. Et donc ça, c'est une menace qui vise la personne qui volontairement délaisse la prière pour dormir. Volontairement, elle délaisse la prière du Fajr ou la prière du Isha pour dormir. Ça, c'est la menace qu'il convient pour ce genre d'individu. واستظهر المهلب أن هذا الحديث يتوجه إلى تضييع صلاة الصبح لأنها التي أكد الله المحافظة عليها أو المحافظة عليها وفيها تجتمع الملائكة. قال وسائر الصلوات فمثلها. Donc certains savants, ils prétendent que la prière en question dans ce hadith n'est autre que la prière du Fajr. Cependant, ils disent que cela peut également concerner toutes les autres prières. Si la personne, volontairement, elle fait exprès d'aller dormir au lieu d'accomplir les prières à leurs heures, au lieu d'accomplir les prières à leurs heures. C'est-à-dire, il va dormir jusqu'à faire sortir la prière de son heure. Par exemple, au lieu de prier le Fajr, il est à quelle heure? À 3h55. Taïb. L'heure de la grande mosquée, Abdba. Il est à quelle heure à la grande mosquée, le Fajr? 30 et quelques. Voilà, ça c'est le Fajr. Yani, c'est l'heure la plus proche du Fajr. Hein. 4h30 à peu près, 4h20. Taïb, 4h20. Taïb, lui, il va pousser, il va dormir de 4h jusqu'à ce qu'on sorte de l'heure de la salat du Fajr. C'est-à-dire jusqu'à après le Shurouk. Tamam. Lakin, si il dort, et il dort à 4h, et il se réveille, je ne sais pas moi, à 5h. Tamam. Le Shurouk, il n'est pas encore arrivé. Il est encore dans le temps de la prière du Fajr. Donc, il aura commis le péché de ne pas avoir prié en groupe, mais il ne rentre pas dans ce hadith. Parce que là, il n'a pas fait sortir la prière de son heure. À savoir, celui qui fait sortir la prière de son heure volontairement, comment il la rattrape? Dès qu'il se lève. Hein? Quand il se lève, il la rattrape. Il ne peut pas la rattraper. Il y a un khilaf sur le sujet. Il y a un khilaf sur le sujet. Celui qui a délaissé la prière volontairement, est-ce qu'il la rattrape ou non? L'avis le plus juste, qui est Wallahu ta'ala a'lam, l'avis d'Imam Ahmed, comme quoi tu ne rattrapes pas la salat. Tu fais tawbah. Tu demandes pardon à Allah Azzawajal, mais tu ne rattrapes pas cette salat. Non, tu ne rattrapes pas cette salat. Inna salat kanat ala al-mu'mina. Ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ma ma'na kitaban mawquta? Laha waqtun khas. Khasun biha. La prière, elle doit se faire dans un temps précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déterminé. Ensuite, il te prend l'exemple de celui qui veut faire le hajj. S'il le fait, il veut faire le hajj au mois du Ramadan, est-ce que son hajj, il est accepté? Batel. Batel. Ou s'il vient et il fait le hajj à partir du mois de Safar. Hein? Ou dans les 10 derniers jours du mois de Muharram. Ou durant le mois de Muharram, tout ça, c'est unanimement reconnu comme quoi son hajj il est batil. Tamam. Enfin, pourquoi pour la prière, il n'en serait pas ainsi? Alors qu'on sait très bien que la prière, elle a un temps précis. Celui qui l'a fait sortir volontairement de son temps, khalas. Malahu udhr an yu'idha. Bal yatub ila Allah azza wa jal wa yamdi. نعم. ثم قال ذم المختلف المتخلف عنها. طيب. Ensuite, un nouveau chapitre qui est en concordance avec celui d'avant, le précédent, qui a pour titre le blâme de celui qui délaisse cette prière. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. On a évoqué auprès du prophète عليه الصلاة والسلام un homme qui nécessite de dormir jusqu'à se retrouver au petit matin. Et il n'a pas, de surcroît, il n'a pas prié la prière du Fajr. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là est un homme dans lequel, celui-là est un homme sur lequel le diable a uriné dans ses oreilles. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى للمرء من الشر أن يبول الشيطان في أذنه. Et cela suffit à une personne, ça c'est une parole d'Ibn Mas'ud, qui dit, et cela suffit à une personne d'être dans le mal, le fait que Shaytan urine dans ses oreilles. حمله بعض العلماء على من نام عن صلاة العشاء. Certains savants ont dit que le sens de ce hadith il concerne ceux qui ont dormi face à la prière du Isha. وقيل عن قيام الليل وقيل نام عن صلاة الصبح. Donc certains ont dit ils se sont endormis et ils n'ont pas fait qiyam al-layl. Et d'autres ont dit ils se sont endormis et ils n'ont pas fait la prière du subh. En ce qui concerne le qiyam al-layl, فهذا أبعد الأقوال الثلاثة. لأن القيام قيام الليل سنة وليس بواجب وإن كان في بداية الأمر واجب واجبا. طيب قال وحمل الحديث على ظاهره قوم وقيل المعنى أفسده الشيطان أو كناية عن الاستخفاف والتلاعب به. Et certains savants ont dit que ce hadith est à prendre dans son sens apparent. Ce hadith est à prendre dans son sens apparent. C'est-à-dire que le diable urine bel et bien dans les oreilles du fils d'Adam. Et d'autres ont dit que, en vérité, c'est juste que Shaitan, il va pervertir cet homme-là. Et d'autres ont dit que c'est une connotation qui vise à montrer le mépris et l'humiliation que Shaitan inflige à l'être humain. Et Shaitan, il faut savoir que Shaitan, parmi les buts qu'il s'est fixé, le fait d'humilier l'être humain, il y a quoi. Le fait d'humilier l'être humain par ses propres mains. C'est-à-dire par les propres mains de l'être humain. Et ceci afin de pouvoir montrer et pouvoir s'enorgueillir face à son Seigneur en disant « Voilà celui que tu as préféré à moi. » Car Allah subhanahu wa ta'ala a préféré les enfants de Adam. Adam wa durriyatahu ala jami' al-alamin min al-makhluqat. Donc min maqasidi annahu yuridu ihanat al-insan. قال القرطبي عليه رحمة الله يصح بقاؤه على ظاهره إذ لا إحالة فيه ويفعل ذلك استهانة به. Et certains savants ils disent que il y a pas de problème en laissant le sens apparent de ce hadith. Il y a pas besoin d'interpréter ce hadith en disant que non c'est pas il urine pas vraiment, mais en fait c'est ceci ou cela. نعم. والشيخ عبد الله لمح يقول ولا مانع من حمل الحديث على ظاهره وهو الذي جزم به العلامة ابن العثيمين. الشيخ العثيمين lui il est de l'avis que le diable urine réellement dans les oreilles de l'être humain lorsqu'il dort face à l'accomplissement de la prière du Fajr. Donc tout ça, ça nous montre le grand danger de dormir volontairement face à la prière du Fajr. Wa nasallallahu an yuwaffiqana wa an yusallimana min kulli su'in fid dunya wa fil akhirah. Jazakumullahu khairan.